Alors, il est 8h56. Vous écoutez Deux hommes s'endorment en compagnie de Jean-Denis de la Greveline et de Michel Landry-Gasconadon sur les ondes de Télé-Québec. Nous sommes vendredi soir. On aimerait saluer Julie, Clotilde et Marius. Et voilà, nos téléspectateurs sont salués. C'est une plus que la semaine dernière, oui, vendredi dernier. Oui, oui, c'est une augmentation de 50% de nos parts d'écoute et nous en sommes excessivement fiers. C'est aux clients. Je dégustais bien tranquillement un excellent Cointreau. Et j'ai vu que sur notre propre télévision d'État, on laissait du temps d'antenne à un maire vulgaire, rustre, populiste. Et je suis outré, là, Michel Landry, là. Outré, là. Michel Jérôme. Faut pas oublier que notre collègue Richard donne lui aussi dans le populisme. Ah, j'ai de temps à autre. J'ai tellement hâte que Télé-Québec se départisse de Richard Martineau. Ça viendra. Homme qui amène un intérêt populaire à une station qui ne l'est pas, mais qu'est-ce qu'il fout ici au juste là? Son émission est un peu trop écoutée également. C'est un peu trop orienté pour les codes d'écoute. Oui, Dieu sait que c'est pas ça qui est important. Hein. Nous, la masse, on la vomit. Elle finance nos caméras, mais on veut pas qu'elle écoute nos grandes émissions à haute teneur intellectuelle. Tout. C'était difficile à tolérer cette entrevue avec un maire populiste qui se préoccupe des banlieues et des payeurs de taxes. Ah! Et que dire de ce sport vulgaire joué par des millionnaires, là? Et dire qu'on utilise des fonds publics, là, pour financer les arènes. Lesquels ces vulgaires sportifs se vantent. Le hockey professionnel. Mais c'est quoi les chances qu'on ait une équipe professionnelle à Québec? Je ne veux pas aller trop loin là-dedans pour des raisons évidentes, mais moi je suis très confiant qu'à l'ouverture, on peut avoir un club. Voilà. Êtes-vous courant d'affaires, Je suis au courant de rien, moi. Je suis absolument au courant de rien. Je dois te mentir, je pense à cette émission. Et comment un maire, version 2014, est-ce que Lang Lang pourrait... Voilà, merci. Comment un maire, version 2014, peut défendre une initiative aussi véreuse que le retour des duchesses d'un carnaval? C'est sexiste, hein, Jean-Denis? C'est terrible! Comment peut-on descendre aussi bas au niveau du sexisme et de l'utilisation du corps de la femme? Parce que si quelque chose m'excite, moi, personnellement, c'est une femme laide, pleine de poils. Voilà. La moustache, hein? Oui. Ça manque de moustache. Ah, c'est... Les duchesses. Oui. De moustache, de boutons, de ventre. D'épaules aussi. Oui, hein? Oui, de fesses. Oui. Quoi de mieux que... qu'une splendide femme épanouie, mais surtout carrée. Hein? Ça a vraiment été diffusé à Télé-Québec, ça, je peux pas croire. Non, c'est... Je peux pas croire. On descend à bas parfois. Hein. Déjà qu'on doit remplir nos coffres pendant la saison des fêtes avec de vulgaires petits bonhommes. Là. Non, une chance qu'on a eu des syndicats au Québec, il y aurait tellement plus de monde qui serait mort au travail. Le retour des duchesses, ça fait-tu partie de la culture, ça? Ramener les duchesses, je sais que ça allait écœurer les intellectuels de Montréal. Ah, ils parlent de nous! Enfin, quelqu'un parle de nous. Moi, je sais qu'ici, on sait qu'avec les duchesses, on va avoir du fun parce que ça va générer d'autres choses. Ça va générer des changements. Le reste, je m'en fous. Je sais qu'il y en a qui ont envie de ça. On s'en balance. On veut juste le party punk. Est-ce qu'il y a quoi des plus bonnes? La radio de Québec avance plus que la radio de Montréal, on le sait. Vous autres, quand vous faites des événements sportifs, c'est du sport extrême. Là, les duchesses vont revenir, puis les pitounes. Il y a un côté... Pas des pitounes. Je peux pas dire ça, moi. OK, c'est des filles bien, puis ils sont très corrects. C'est moi qui est macho, là, en disant ça. On va avoir une plainte. Okay, il va additionner votre dossier, là. Il y a un côté radio X, là. C'est sûr que la bien-pensance nous regarde un peu comme des méchants de bébites, mais on s'en fout, comprends-tu? On s'en fout. Parce que pendant qu'ils jasent de ça avec le Cointreau dans le salon, nous autres, on a du plaisir. Comprends-tu? On s'en va au Crash Test, puis on s'en va souper, puis on prend deux bouteilles de vin, puis on s'en va là, puis on a du plaisir. Qu'ils jasent de ça avec le Cointreau, ils m'ennuient. The Crash Dice. Ah, je comprends que ces sujets populaires vous dégoûtent, mais restez à l'écoute. Au retour de la pause, nous reviendrons à notre programmation normale et nous pourrons discuter du ski de fond au centre-ville. Oui, et du patin casse-cou. Hein. On a un invité de l'Office de la langue française, le Red Bull Crash Dice. Le réseau Skixi. qu'on veut installer ici sur l'île de Montréal où des skis de fond seraient disponibles à tous les coins de rue en hiver. Le Skixi. Le Skixi, oui. Des skis d'aluminium, 5 000 $ pair. Et ça va tellement bien fonctionner qu'à l'aube d'une faillite, on se donnera des bonus. Regarde hein? ça. Barré des... Ça va venir, là! Avec les cadenas au centre-ville, les skis en métal. Pas une chance. Un système de partage. Pas une chance sur l'île, moins 40. La gang de zouf en avec ski. Avec les bottes, puis en ouais, une carte de crédit, sort les skis. Ça va venir, le ski.